Interpol, Bekima, il faut donc que le Mali puisse affirmer son identité. Est-ce que ça passera clairement par des exécutions judiciaires, puisqu'il faut clairement, président Bandakani, exploiter ces 49 mercenaires. J'ai failli dire soldats, mais je voudrais que les termes soient bien précis. Ce sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires. Et quand les mercenaires ne sont protégés aucun droit international, soi-disant. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un dossier très grave dont les gens ne mesurent même pas l'ampleur, ses implications. Alors, pendant que les gens vous font matin, midi, soir le procès de Wagner, ils sont les spécialistes du mercenariat. Voilà. Et tout à l'heure, c'est ce tableau à deux échelles, c'est un poids, deux mesures dans laquelle l'Occident s'est spécialisé, mais qui en fait masque un sérieux complexe de supériorité dont ils sont inguérissables. On ne peut pas les guérir de ça. C'est-à-dire, ces gens sont convaincus de leur supériorité et d'un destin messianique qui est leur apanage, qui fait que la terre leur appartient et que tous ceux qui n'acceptent pas ça seront balayés de la terre. Ils ont le droit de mettre en esclavage d'autres peuples. On n'a rien à leur faire parce que dès qu'ils ont décidé ça, Dieu a accepté, c'est normal, c'est divin, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. On est là au cœur de la pensée centrale de l'Occident. On est au cœur de la pensée centrale de l'Occident. C'est ça qui explique le comportement des histoires comme les von Leyen. Une corrompue qui a un faux doctorat, c'est-à-dire corrompue aux autres, un truc comme ça, mais qui donne des leçons aux dirigeants africains. Et personne même ne répond. Les dirigeants africains tremblent devant elle. Faut sauvegarder les acquis avec l'Union européenne. Il y a quel acquis avec l'Union? Que peut-on avoir comme acquis avec l'Union européenne? Il n'y a que des gens qui n'ont aucun projet pour leur peuple, qui pensent qu'il est possible d'avoir des acquis avec l'Union européenne. Quand on n'a pas de projet sérieux et qu'on compte sur de ce qu'on appelle accords de partenariat, mais qui sont des accords d'esclavage avec l'Union européenne, un truc comme font les vous dites n'importe quoi, vous allez vous taire. Parce que vous ne voulez pas froisser l'Union européenne. Elle n'arrive à rien faire pour les peuples européens et c'est pour les Africains qu'elle a fait quelque chose, l'Union européenne. Elle n'apporte que malheur aux peuples européens. Mais ouvrez les yeux, ça coule tellement de sources. Et c'est aux Africains qu'elle va apporter quelque chose de bon. Mais c'est cela qu'il s'agit. C'est ce fondement qu'il faut détruire, qui est en train d'être détruit. C'est cette pierre angulaire qui doit être détruite et renversée. Et c'est ça qui est en cours dans le monde. Malheureusement, il y a un problème. Il y a des gens qui sont tellement occidentalisés qu'ils ne conçoivent pas un monde qui n'est pas dominé par l'Occident. C'est le défi qu'on a relevé. C'est-à-dire que l'Occident a même dit que mais je suis en train de tomber. Jean-Luc Colomb, tu ne tombes pas. Reste là. Ne tombe pas. On ne conçoit pas le monde sans, comme ça là. Mais le jupitérien qui est devenu Vulcain, parce que maintenant il dit qu'il est Vulcain, un dieu. Mais vous l'avez, il a dit ça. Hein? Vous savez que ce monsieur, c'est un malade mental. Lui, il n'a pas de problème. Hein? Il a dit qu'il n'est pas jupitérien. Maintenant, il est Vulcain. Il a dit ça lui-même. Hein? Vous avez dit quoi, on le dit? C'est lui-même qui dit. Hein? Donc, Vulcain, M. Macron, alias Vulcain, vient de dire que. C'est-à-dire, lui-même, il a dit dans un discours officiel. Il expliquait aux ambassadeurs la chute irréversible, inexorable de l'Occident. Discours au corps des ambassadeurs. Il n'est pas le seul. Tous les intellectuels, les grands penseurs européens, c'est connu. Mais les Africains refusent ça. Les Africains refusent que l'Occident puisse tomber. Ils ne veulent pas. Parce qu'en tombant, elle va les entraîner dans la chute. Eux qui n'ont jamais appris à réfléchir, qui n'ont jamais appris à se prendre en charge en dehors des canaux de l'Occident. Mais c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela dont parle M. Bekima. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, le vrai défi que nous avons, et c'est l'enjeu malien, le vrai défi que nous avons, c'est de penser notre existence en dehors des paradigmes, qu'ils soient systémiques ou intellectuels, qui sont déclinés et opérationnalisés par la Banque mondiale, le FMI, tout ce système-là. C'est de penser au-delà des marchés financiers mondiaux. Les centres financiers mondiaux n'ont aucun projet pour l'Afrique qui ne soit sa disparition et sa réduction en permanence à l'esclavage. Mais est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça? Ont-ils les conséquences en termes de comportement? Mais c'est de cela qu'il s'agit. Le défi, il est là. Quand tu parles d'état civilisation, mais le Vulcain en a parlé dans sa conférence. Bon, Jupiter est devenu Vulcain. Il en a parlé dans sa dernière conférence au grand ambassadeur. Il parlait justement du renouveau, de la créativité politique et géopolitique en Afrique. Mais il parlait de vous. Il le dit dans son discours qu'il y a une telle imagination en matière politique en Afrique, que les Occidentaux ont perdu. C'est lui qui le dit. Allez voir ce discours, c'est public. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit, mais il parle de quoi? Il parle de quoi? Si nous ne pouvons pas travailler ça, penser le monde là, le mettre en mouvement, on parle de quoi? C'est ça qu'il s'agit. Alors quand on parle d'état de civilisation, mais ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on considère qu'aucune civilisation, en principe, ne peut pas se soumettre à une autre parce que tu as tout ce qui est nécessaire pour fonctionner. Tout à fait. C'est ça que ça veut dire. Et tu puises dans tes racines historiques, dans ton histoire. Tu puises tout ce qui est nécessaire pour te présenter à ce qui est désormais l'horizon du monde. Cette fameuse civilisation de l'univers, c'est-à-dire que les états de civilisation vont s'asseoir et discuter, et dialoguer, penser le monde, penser le genre humain. Et par rapport à ça, mais l'Occident est totalement déclassé, discrédité. Ils n'ont pas, ils ne comprennent rien à ces choses-là. Ils comprennent bien. Ils savent tuer, voler, détruire. C'est ce qu'ils savent faire. Mais les conséquences pratiques sur nos nations, sur nos élites, le problème il est là. Parce que mais comment peut-on penser le monde après l'Occident? C'est impossible parce que le monde, l'Occident a fini la pensée. On ne peut pas dire mieux que l'Occident. Les gens me l'ont dit à moi. Les gens me l'ont dit. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux que l'Occident a tout dit? Mais l'Occident elle-même te vous dit que moi, je n'ai rien compris à l'humanité. L'Occident dit que moi, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Attends, c'est quoi la transhumanisation? C'est quoi la quatrième révolution? C'est quoi le grand reset? C'est un aveu que les humanismes classiques de l'Occident, c'était une erreur. C'était que de la fanfaronnade. C'est eux qui le disent, hein? Mais qu'est-ce qu'on dit à Davos? C'est de remettre en cause tous les concepts classiques qui ont fait l'Occident. Depuis la Grèce, depuis la Rome antique, en passant par la Renaissance, la Révolution, les Lumières, bon, entre guillemets, hein, les Lumières, la Révolution française, en passant par les Révolutions anglaises aux États-Unis. Mais c'est eux-mêmes qui remettent ça en cause. Le grand reset remet tout ça en cause. Mais nous, on rêve encore de ça. Hein. Les Africains rêvent encore de ça. On enseigne ça dans les écoles, partout à l'université. Les gens sont docteurs en humanité occidentale. Ils sont même très contents. Quelqu'un est sémiotien dans mon pays. Hein, il dicte la loi aux universités depuis 22 ans. Il corrige les fautes des universitaires en public. Qui peut lui parler? Ce type d'élite-là, vous croyez que comment est-ce qu'on fait pour qu'une pareille élite réfléchisse comment on peut faire mieux pour nos pays? Est-ce qu'on peut avoir un projet autonome pour nos pays? C'est là qu'il s'agit. C'est l'enjeu du Mali. Parce que les décisions du Mali, mon frère Ndoum, sont les décisions civilisationnelles. Ah, on n'a pas le choix. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Diop, l'a appelé à l'ONU, il est obligé de dire que mais, vous le Mali est une vieille civilisation, absolument. À chaque mandat. Il dit que c'est nous qui avons inventé. Vous avez même triché ça. Mais vous n'avez pas de leçon à nous donner. Vous ne savez pas ce que c'est. Évidemment, ils ne savent pas ce que c'est. Parce que l'Occident est la seule civilisation qui pense qu'il y a les droits de l'homme en dehors de la loi collective. Il y a le droit de l'homme en dehors de la sécurité collective, et qu'il y a d'un côté le droit de l'homme, il y a l'État, il y a la sécurité collective, à part. Et qu'il y a quelqu'un qui va sortir quelque part pour dire que, non, en matière de droit de l'homme, c'est ce qu'il faut faire. Vous ne pas respecter ça, on vous punit. C'est l'Occident qui parle de ça. Mais allez lire la Charte de Mandel. Charte de Mandel, vous allez voir la vision holistique des droits de l'homme, ce qu'on appelle le droit de l'homme, dont les vrais droits de l'homme. C'est de cela qu'il s'agit. Donc les Maliens sont en train de prendre des décisions de civilisation, veut ou pas. Donc, ça doit aller jusqu'au bout. C'est quand le ministre Choguel dit, le premier ministre Choguel dit, que dans une certaine mesure, le sort de l'Afrique se joue au Mali. Il a raison, monsieur le premier ministre. Il a raison. Ça les confère donc des responsabilités extraordinaires. Nous croyons qu'ils en sont conscients. Alors, sur la question, sur le cas pratique, pratiquement, comment est-ce qu'on doit exploiter ces 49 soldats? Est-ce qu'il y aura des exécutions judiciaires? À quoi s'attendre, président Manakane? Mais les États décident en fonction de leur, de l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. D'eux-mêmes. Et à partir de là, de l'appréciation qu'ils ont des rapports de force. Je dis bien, l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes d'abord et l'appréciation du rapport de force. Je n'ai pas dit que de rapport de force, parce que l'utilisation est tellement vulgaire maintenant qu'on raconte n'importe quoi. Ces Américains votent une loi comme celle qu'ils ont votée. Une loi criminelle, comme ça. Une loi criminelle. Taisez-vous, ils sont forts. Les Américains sont forts en quoi? Un état voyou comme ça est fort encore. C'est un état voyou, sa faiblesse, c'est d'être justement un état voyou. Mais si vous avez de l'intelligence géopolitique, vous réfléchissez ce que veut dire un état voyou qui peut être fort militairement, entre guillemets, même fort économiquement, mais qui, parce qu'il est voyou, ne vaut rien. On réfléchit à ça et on réfléchit comment est-ce qu'on met ça on opérationnalise ça, et on met l'Amérique à terre, si on veut réfléchir. D'autres pays l'ont fait. Mais c'est ça qu'il s'agit. Donc, c'est aux Maliens, l'État malien d'apprécier mieux que nous. Nous disons ceci que c'est une opportunité à ne pas rater. C'est à ne pas rater pour en finir une fois. Et d'ailleurs, on a commencé avec la suspension de la rotation des contingents. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Et même l'ONU a dit que non, ici, pour la discuter. Pour les ménages, ils font ça. Oui, c'est tout comme ça. Ils font semblant de faire profil bas pour mieux rebondir. Dès que tu as. Vous liquidez ça mal, ils vont rebondir. Il faut profiter de ça pour remettre en question la présence de la MINUSMA au Mali. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Quitte à rendre public tout. Mais là encore, ça dépend. En négociation, ça dépend. Qu'est-ce que moi-même je veux cacher? Et ils savent jouer là-dessus. Qu'est-ce que je veux cacher? On fouille un ancien dossier, là, on regarde qu'est-ce que je veux cacher. On dit, bon, négocions alors. Il y a rien pareil qu'en Centrafrique. Sur les supposés soldats de la MINUSMA, sauf que sur le cas, sur les soldats de la MINUSMA, justement, mais sur le cas, l'ONU se désire, du moins l'ONU dit, je ne suis pas, c'est pas mon contingent, donc ce qui donne clairement les coudées franches au Mali de s'attaquer sur apparemment, ces... Apparemment. Ça, c'est les apparemment. Apparemment. Parce que justement, en disant que je les recuse, c'est pour dire que viennent négocier la nuit. Je dis que c'est ce qu'il y avait la MINUSMA, je parle de Centrafrique. Tout à fait, absolument. Mais la fête s'est terminée comment? Je ne critique pas. J'avais dit ça ici que il y aura négociation. Parce que la Centrafrique est tellement prise dans les ténailles de ce machin qui jusqu'aujourd'hui maintient l'embargo sur ce pays. Il y a tellement de trucs que bon, le président Touadéra qui se bat, il faut qu'on ouvre les guichets internationaux, les Français qui lui font du chantage, ferme tous les guichets et tout, il ne peut même pas financer le moindre projet. C'était compliqué pour lui. Et on lui a dit, mais viens, on s'assoit. Tu peux obtenir ça. On fermera l'œil sur ceci. On fermera l'œil sur ceci, mais toi mais aussi. On laissera mais toi aussi, ceci. Laisse tomber. Alors, le président Touadéra évalue donc en fonction des priorités qu'il a en termes d'urgence nationale et il tranche. Mais pour le Kamalé, est-ce qu'ils n'ont pas. C'est pas le tournant de l'histoire pour. Tout mais bien, je suis en train de vous dire que là, c'est. Mais je ne suis pas président du Mali. Ça dit qu'il y a des choses dont je n'ai pas accès. Je vous dis que le Mali peut avoir hérité. Tout à l'heure, vous avez parlé des accords et leurs conséquences qui pèsent sur l'État malien aujourd'hui. Donc, on peut dire que, assez, nous voyons. On tue l'affaire, si. Et puis, vous obtenez ça. Il sera normal pour le Mali de faire ce qu'on appelle une politique de lucidité étatique. Ça, c'est faux souvent dans les négociations. Et à ce moment-là, bon, on peut avoir affaire à une décision qui peut ne pas nous arranger. Nous qui ne sommes pas au fait de ce qu'on traîne. Mais je vous dis, ce n'est pas par hasard que vous avez vu directement qu'il y a la suspension des rotations. Et le Mali dit qu'il faut qu'on discute de tout ça. Qu'on remette tout ça en cause dans la manière dont en fait, cette convention-là même qui justifie ça, je remets ça en cause. C'est ce que le Mali est en train de dire. Et le Mali, justement, va aller loin pour dire que, bon, ok, tout à l'heure, Bertrand l'a dit en parlant de président élu, entre parenthèses, parce que d'après la communauté internationale, la pègre internationale qui impose ses désirata partout, dit que tel est élu. Ça veut dire quoi un président élu? Eux, ils sont élus chez eux. Macron a été élu. Le 14 juin, on a d'ailleurs été. Est-ce il a d'ailleurs été très hué le 14 juin par les Français. Personne ne l'a élu, oui. Ce monsieur. Il a été hué sur les champs. Absolument, sur les champs. Qui est élu Joe Biden? On peut élire un sénile comme ça à l'ambassade des États-Unis. Quelqu'un qui tombe à vélo, il appelle le journaliste lui-même, après il tombe à vélo, il dit, venez me voir, je pédale. Et on vient le voir, il tombe deux fois. Son propre camp, président, les démocrates. Sont en train de réfléchir à un non-renouvellement de candidature de Biden. Au cas où il rêverait, les démocrates expliquent que ce n'est plus possible. On ne sait pas possible. Biden, son camp, c'est-à-dire ses soutiens, disent que ben, même 4 ans là, c'est un problème. Il vient se rendre compte qu'il est sénile. Il vient se rendre compte qu'un type comme ça, des fois d'être sénile, on peut élire une politique comme ça, c'est la tête d'un pays. Quelqu'un qui est pourri dans tout ce qu'il y a de scandaleux, de corruption. Mais Joe Biden, c'est l'incarnation même de la putréfaction de la mentalité mondiale. Joe Biden. Mais le président des États-Unis, tu as peur de lui, c'est qui Joe Biden? Ce machin-là. C'est qui cette affaire? On peut avoir élu un truc comme ça, président. Donc vous élisez quelqu'un pour le regretter 2 jours après que vous avez élu. Ça dit que vous ne voulez pas élu. Pareil pour Trudeau au Canada. Si vous connaissez ce que fait ce voyou au Canada, vous ne pouvez pas imaginer ce type. J'ai un ami qui. Vous savez, Mbeki Nongo, qui parlait d'une conférence économique au Canada. Il a assisté. Mais si vous entendez ce qu'on prépare pour l'humanité, à travers ce voyou qu'on appelle Trudeau, mais vous avez les mains sur la tête. Et il l'a poussé. Mais il a été élu par qui? Ce sont des élections truquées. Mais les mêmes gens disent comment? Il faut que non, un président élu. Ouattara a été élu. Mais qu'est-ce que Ouattara comprend une élection? Ouattara, il comprend quoi ça? Mais il est le premier à demander que le président malien soit élu par une élection. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Il n'est pas le seul. Bazoum connaît quoi? Bazoum, l'Odrian, le chef de la pègre, la politique qu'on appelle l'Odrian. Ah, la marché, Bazoum, il a nommé président. On a fait une caricature d'élection. Et Bazoum, c'est vrai, il a déjà été élu. Il y a élection au Niger. S'il a été vraiment élu, il aurait pour première tâche pas donner un refuge à Barkhane. Une opération foireuse de mercenaires comme ça. Il demanderait la revalorisation, n'est-ce pas, de l'uranium du Niger. Il demanderait une révision radicale des accords. Il n'en parle pas jusqu'à aujourd'hui, président. Parce qu'il n'est pas élu. Parce qu'il sait qu'il n'est pas porté par son peuple. Tout à fait. Mais c'est cela qu'il s'agit. Ouais. Comment les gens peuvent t'élire sérieusement et tu n'es pas en mesure de mettre sur la table leur vrai problème? Tu t'occupes de Barkhane. Hein? Une opération mercenaire pour coloniser le continent africain. Mais tu as raison de dire que. Mais par exemple, c'est un problème sérieux pour nous. Mais on va régler son problème. On va régler ça. Il va voir, on va régler ça. Parce qu'il rêve, là. Il rêve. Il croit que l'avenir, c'est à l'Élysée. Il rêve. Il rêve. Donc, le Mali a la chance extraordinaire. Tout à fait, président, pour tenter de sortir. Oui, de régler ce problème. S'il profite de ça, pour, à travers cette perspective, relire, remettre à plat, n'est-ce pas, la présence de la ministre au Mali. La ministre au Mali. Et on voit bien qu'il y a cette volonté de la part du dirigeant malien. Il parle d'une classe politique exceptionnelle. Oui. On voit la volonté, on voit comment les gens travaillent, on voit. Donc, il faut persister dans cette voie. Bertrand l'a dit, l'ennemi du Mali, c'est la MINUSMA. Terrible. C'est qui sert de couverture morale et juridique au crime de la France, des États-Unis, de l'OTAN, là-bas dans le Sahel. Ouais. Et on sait ce qu'ils cherchent au Sahel, on sait. Ouais. Donc, l'ennemi, c'est la MINUSMA. Il faut faire partie de la MINUSMA. Et à partir de là, les Africains doivent s'organiser pour chasser l'ONU de l'Afrique. C'est un problème. Mais je ne sais pas, docteur Bekima, je ne sais pas si on me dit ça. Mais pourquoi les Africains, les juristes africains, tout ça, pensent qu'on ne doit pas penser au-delà de l'ONU? Mais comment c'est possible ça? Mais qu'est-ce que l'Afrique gagne à l'ONU jusqu'à présent? Ça nous apporte quoi? Le monde, même ceux qui ont créé l'ONU, ne croient plus à l'ONU à l'heure actuelle, ils sont en train, tous sont en train de réfléchir sur les plans de changer l'ONU, tous, en commençant par les Occidentaux. Ouais. Parce qu'ils savent qu'elle est plus viable. Il faut bricoler un truc qui va tromper les gens. Et tout faire pour que les projets de multipolarisation mondiale ne marchent pas. Mais les Africains refusent de penser l'après-ONU. Pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs qu'on a fait hier, où on a dessiné l'architecture géopolitique et géographique du monde sans nous. Financière. Conséquence. C'est-à-dire, sans nous, on ne fait pas là. Or, aujourd'hui, tous les éléments sont là pour qu'on pense ça. Il y a les moyens. C'est là. Même en alliance avec tous ceux qui ont intérêt à changer le monde, il y a tout le moyen pour qu'on pense, n'est-ce pas, le monde de demain, en garantissant nos intérêts. Personne ne veut s'investir dans ce travail sérieux, en dehors des africanistes. Personne, on refuse. Vous avez les juristes internationaux, des gens qui ont fait le droit même plus que Dieu, qui sont, ils sont trop forts, mais ils refusent de penser ça. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher Ndoum. Donc pour chuter, Bekima a soulevé un problème est terrible. De quel président? Le cycle westphalien. Il a résumé ça en langage technique, il n'a pas le temps d'expliquer, mais c'est ce qu'il a dit. Où on a pensé un monde où il y a des super états, et les autres c'est la périphérie. C'est ça l'ordre westphalien. C'est de cela qu'il s'agit là. Le traité de Westphalie. Oui, et c'est ça dans lequel nous sommes jusqu'à présent. Pour ces gens, l'ordre là n'est pas négociable. À la limite même, si ça ne veut pas, ils vont dire Russie, viens, on s'assoit. Entendons-nous. Viens, assurons-nous ici. Les libéraux, parlons. Pas ceci. Toi, tu as. Oui. Tu es dans l'ordre ici. Oui. Entendons-nous. Lâche-les. Entendons-nous. Lâche les gens. Ouais. C'est ça qu'il a entendu dire, l'ordre westphalien. Ça nous concerne en quoi? L'ONU est westphalienne. Elle est l'exemple même d'une structure westphalienne où on sophistique le droit et des finalités morales qui vous séduisent, qui vous embrouillent, mais ce sont des ténailles les plus dangereuses du monde. C'est ça l'ordre westphalien. Les gars ont sophistiqué. Quand tu lis la charte de l'ONU, tu es naïf. Oh, le monde est nouveau. Tu commences à rêver. Oui. Vraiment, oui. C'est... Oui. Alors que tout ça, c'est du vent. Ceux qui ont écrit ça, ce sont les esclavagistes. Ce sont eux qui ont organisé la traite des guerres. C'est eux qui ont écrit ça. Ce sont les héritiers qui sont derrière ça. Mais comment des gens qui ont hérité la traite des guerres, qui ont pensé que l'Africain n'est pas un homme, qui ont pensé que c'est l'esclavage était un projet pour un être humain, peuvent s'asseoir et penser les droits de l'homme et penser une économie de l'émancipation de l'humanité? Comment c'est possible ça? Mais ils vous ont vendu la charte de l'ONU. Un bavardage inutile, Si tu prends le temps de t'asseoir, tu décortiques ça. Tu décortiques l'idée qu'on appelle droit de l'homme, mais tu comprends que c'est la plus fine hystérie qui peut exister. Droit de l'homme, c'est quel homme? C'est qui? Il y a l'homme, c'est qui? Un homme que personne ne connaît. Droit de l'homme, c'est qui? On parle de peuple. On parle de peuple qui sont là, de civilisation. Vous avez droit de l'homme, c'est qui ça? L'homme là, c'est qui cet homme? C'est qui? Mais on vous a vendu ça. Et on voit comment aujourd'hui cet homme étranger est en train de devenir réel à travers l'homosexualité, le LGBT, les virus. Et terrorisme aussi. Terrorisme et la digitalisation. C'est-à-dire que tout, c'est-à-dire, tu vas être ta voiture, tout connecté à toi. On va te faire rire pour un temps. Oh, tu es content, tu vas sécuriser. Il y a un projet. Et l'homme vous a dit, on met ça dans le cerveau. Et désormais, tu as un programme informatique. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Voilà cet homme étranger qu'on a en train de rendre réel au détriment des hommes réels et des peuples. Donc, les Maliens, le destin du Mali, et le Mali n'est pas seul dedans, nous devons l'aider, n'est-ce pas, à faire ce travail. Alors, il y a la question de mon ami à mon oreille. Une seule seconde pour, d'accord, pour lui dire une chose qui n'est pas. Je pense que nous avons tous intérêt à nous respecter. Comme un commun ensemble. D'abord, celui qui a le chapeau, non, c'est Balakani qui a le chapeau. Et à Manouré, on se connaît. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu dis qu'il a le chapeau. Tu as pas prononcé mon nom maintenant. Moi, je prononce ton nom tous les jours. Il y a quoi? Tu es mon frère. Le désaccord entre frères, c'est géré comme ça. Pourquoi tu vas à tout prix contredire les panélistes, même quand tu n'as pas d'argument? Ça te rapporte quoi? Tu gagnes quoi dans ça? Tu dis, on soutient Macky Sall. Mais dis que Macky Sall, c'est un pion de l'Occident. C'est quel effort intellectuel ça? Tu as fait quoi quand tu le dis? C'est quoi de particulier? Dis que Macky Sall, c'est un fond de l'Occident. Mais les gens l'ont dit avant toi depuis très longtemps. Mais quand Macky Sall est président de l'Union africaine dans un contexte précis où M. Poutine déroule à Macky Sall une réception qui n'a rien à voir avec l'individu, mon cher Mondré, quand nous on vient dire que non, nous on distingue le Macky Sall si, Union africaine si. Et Macky. Et ce qu'il est. Toi tu estimes que nous on soutient Macky Sall? Mon frère, c'est un argument intellectuel de ta part. Tu ne peux pas travailler plus que ça. Mais il faut qu'on soit sérieux entre nous, comme un combat. Ça. Le combat, ce n'est pas entre nous et Amandouré. Le combat, c'est pour l'Afrique. Il ne faut pas se tromper. C'est quoi la victoire? Est-ce qu'on gagne quoi? Amandouré, tu as raison. Oh, j'ai confondu Tacita. J'ai confondu Boudan Balakani. J'ai confondu Beki Madoté Basileki. Ça te rapportera quoi? C'est quoi le combat? Qui t'a menti, qui t'a oublié les principes et les matières de la civilité des militants qui doivent présider nos rapports en tant que militants? Tu es obligé de rappeler ça à mon frère Mondré. Bien sûr. Jusqu'à aller jusqu'à dire que celui qui porte le chapeau, c'est Balakani qui a le chapeau. C'est quoi? Prononce mon nom, il y a quoi? Mais c'est-à-dire, ça frise la haine. Et là, tu tombes bas. Nous avons défendu le président de l'Union africaine. Bien sûr. Pour plusieurs raisons. Nous avons démontré, s'il faut rappeler ça, que tant que l'Union africaine pose un acte qui nous sert, on soutient l'acte là, tout en combattant l'Union africaine. C'est la complexité du combat géopolitique. Si on n'a pas besoin de gérer ça, on quitte ce combat-là. Oui. L'Union africaine se sert les peuples pour aller prendre l'argent à l'étranger. Bien sûr. Et nous trahir. Mais quand on est dans une situation où on peut utiliser l'Union africaine, on le fait sans état d'âme. Tout en n'oubliant pas que c'est notre ennemi qu'on va détruire, l'Union africaine, là, en tant que dans sa structure. Et quand Macky Sall, que tout le monde ici combat, nous savons qui il est, ce monsieur. Nous avons dénoncé Macky Sall ici à plusieurs reprises. Même quand c'était, on ne pouvait pas le faire, on l'a fait ici. Mais quand il veut récupérer un combat pour l'Africanisme, il joue là-dessus. D'abord pour avoir un troisième mandat. Deuxièmement, faire plaisir à ses partenaires européens. Nous, on le suit à la ceinture. Parce que nous savons que quand Poutine déroule le tapis rouge, c'est pas pour lui. Poutine le connaît mieux que nous. Il est informé ce qui est Macky Sall. Mais Poutine parle à l'Afrique. Et il fallait dire que les panafricanistes comme nous, on refuse la main, la reconnaissance du président Poutine que nous rend hommage, parce que Macky Sall est levant. Il est président de l'Union africaine pour un an. Mais c'est de l'enfantillage. D'accord. C'est de l'enfantillage. Donc il faut arrêter ce genre de combat stérile, enfantin, qui n'en aura pas. Amandoura, tu es notre frère. Et nous apprécions ta contribution au combat. Mais grandis un peu. D'accord. Merci à vous, président Badaka. D'accord. Afrique Média. Le monde, c'est nous.